C'était un joyeux CRS qui avait refusé de charger. Il n'aimait pas botter les fesses des étudiants, des ouvriers. Pendant que ses copains chargeaient, il s'en était allé pêcher. Dans la rivière du poisson frais, loin de la ville et des casse-pieds. Le vent taquinait sa casquette, les oiseaux chantaient pour lui seul. Il avait une âme de poète, sans prétention et sans orgueil. Un CRS au cœur d'artiste, c'est à faire rire un poulailler. Pourtant, parole de moustique, il était plus doux qu'un baiser. Quand il attrapait un poisson, il le relâchait aussitôt. En lui disant « Sauve-toi mignon, retourne faire des ronds dans l'eau ». Plus gosse qu'un gosse, c'est pas banal quand il s'agit d'un CRS. Pourtant, parole de journal, il était plus doux que la tendresse. La ville se tordait de violence, les CRS qu'aimait charger matraquaient bourrés d'inconscience, les étudiants, les ouvriers. Une véritable boucherie, coup de matraque et coup de pied. Pouvez me croire parole d'amis, un vrai massacre à bon marché. Loin de la bêtise, le CRS qui avait refusé de charger roucoulait de joie et d'ivresse au bord de l'eau endimanchée. Il faisait des vers dans sa tête, de quoi faire rire un arsenal. Ses vraies paroles de muette, il était plus joyeux qu'un bal. Le soleil qui clignait de l'œil lui indiquait l'heure de rentrer. Il bourra ses poches de feuilles, son revolver et ses souliers. Il voulait ressembler aux arbres, c'est à chausser un va-nu-pied. Pourtant, parole de gendarme, il finit par le ressembler. Mais sur le chemin du retour, il croisa des manifestants qui s'en revenaient du faubourg où l'on faisait couler le sang. À le voir seul, ils l'empoignèrent, le massacrèrent avec plaisir. Pourtant, parole de mystère, il était doux à en mourir. Ils le laissèrent dans les feuillages, sa tête baignant dans son sang. Il referma ses yeux sans rage, conscient de mourir non violent. Un CRS qui mord conscient, c'est à faire rire un monde entier. Pourtant, parole de croquant, il est mort sans arrière-pensée. La morale de cette histoire, elle n'a pas de moralité. Ce n'est pas une chanson à boire, même pas une chanson à chanter. Si tu as l'esprit de justice, si faire le bien est ton désir, ne t'engage pas dans la police. T'es pas payé pour réfléchir, t'es pas payé pour réfléchir. C'était un joyeux CRS qui avait refusé de charger. Il n'aimait pas botter les fesses des étudiants, des ouvriers. Pendant que ses copains chargeaient, il s'en était allé pêcher. Dans la rivière du poisson frais, loin de la ville et des casse-pieds. Loin de la ville, loin de la ville et des casse-pieds.